chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour 15 jours au moins. Nos déplacements seront très fortement réduits. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Pourquoi c'est la merde, j'ai les flics au cul. Pourquoi c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. On respecte la merde, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos thunes. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Flemme de faire une garde à vue. Y'en a toujours un, faut qu'il ferme sa bouche. Parce qu'après y'aura pas d'excuses. Sa mère, je suis RK, j'ai pas Canal Plus. Nouvel album, c'est une catapulte. Parlez-moi pas, je suis rat dans ma bulle. Remballe ta force et tu balles la bulle. On t'arrange de fou, mes potos t'abusent. Y'a savoir le père et y'a le compte rendu. Je fais rentrer l'oseille et je suis dans la cul. Je suis dans ma cité, fuck la vue. Je suis plutôt discret que le match vu. Je finis le showcase et je rentre en street. Pourquoi y'avait personne en temps de crise? Pourtant quand je klaxonne, monte la vitre. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos thunes. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos thunes. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au 1. Dégage de là, on n'est pas copains. On avance tout droit, on a cassé le frein. Y'en a toujours un, faut qu'il casse les. Tes potos sortent, mais sous bracelet. On m'écoute de Lille à la cassée. Quand je suis dans la ville, t'as une casquette. Où c'est trop facile de bien marquer le coup. Je suis caisse de ouf, mais je suis toujours à la bourre. Fais des malades dans le groupe, je suis dans ma tour. J'attends le jour où les tics viendront casser ma porte. Je suis dans mon bâtiment, je suis dans l'escalier. On s'en fout, c'est noir, c'est le sali. Tu fais que des paniers. Reviens en patate, je suis un sali. J'ai pris mes comacs. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos thunes. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. Dans la boîte aux lettres, ça pue le cul. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos thunes. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul.